بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن كان عنده علم فليرشدنا إليه، ومن رأى في كلامنا زيغا ونقصا وخطأ فليهدي إلينا الصواب، نشكر له سعيه ونقابله بالقبول. ceci dit, la situation il est comme il a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Madarij Salikin au tome 2 à la page 137, où il a dit rahimahullah dans cette traduction approximative de sa parole: celui qui a une science qui nous oriente vers celle-ci, et celui qui voit dans notre parole une déviance ou une diminution ou une erreur qui nous oriente vers le vrai. Et on sera reconnaissant, on lui sera reconnaissant de son acte et on l'acceptera. Fin de citation. Lors du dernier cours intitulé « Aux doués de raison de la descendance d'Adam » vers la minute 13:59, j'ai commis une erreur sur laquelle a attiré mon attention un de nos frères qui a fait sa hijra au Maroc et qui a installé dans la ville d'Agadir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et le récompense en bien. Il a attiré mon attention sur cette fausse expression et sur cette erreur où j'ai dit: et tous les prophètes, juifs et chrétiens, sont sacrés pour les musulmans dans le sens où ils les respectent. Cette phrase, comme l'a expliqué Cheikh Arafat, cette phrase, elle est nulle. Et cette phrase est fausse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Tous les prophètes, certes, sont respectés par les musulmans et par les soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les prophètes sont dits soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et ont appelé vers l'islam. Et donc, ma parole, tous les prophètes juifs et chrétiens, est une parole qui est fausse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on ait encore, qu'il y ait toujours des frères qui attirent l'intention de leurs frères sur leurs erreurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance et la compréhension de notre religion. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa sallallahu alaykum wa jazakumullahu khairan.